rapport de sécurité. J'en ai rien à foutre de ça. Ouais, il fait des... Il est bon, Pérez. Mais toi, t'es bien, hein. Autant Phil, il est bien à la guitare que toi, t'es bien au piano. C'est le jour de la pommade. Ouais. La tâcheuse. Calogero. Tu rigoles, toi. Andy est en train de faire une introduction. J'aime bien quand il y a l'introduction, le chanteur qui cherche. The real known sea. Dépêchez-vous les gars parce qu'après je me casse. Je vais faire une chanson avec vous mais c'est l'heure de. C'est l'heure de la soupe. Ça y est, c'est parti Andy. Andy, c'est à toi, tu verras, tu peux chanter, tu vois, je vois la vie en rose. Thank you. allez, du dos. Oh, Thank you. Thank you.